l'atmosphère. Trop d'atmosphère, tout se refaire. Bellec frère, sœur, à pas finir en enfer. Seul, alors que les condés nous flairent. R nous sert comme des cons font les fiers. Faudrait compter les pierres. Ton voile normal, con, piétine à terre. La code pénale, 9-4 le val. De marque, je la mets à l'envers. Baisse l'inventaire, t'as l'état et leur notaire. Toujours tard ça, des conopères. Loigné de notaire, enfermé de frais jusqu'à Nanterre. Quelle robe ça, bébé lec, quand tu mets la raspa. Raspa, tu dors pas, tu sors à ta pas. Tu te pèses ça, tu tapes la harpa. À cause d'une rahba, à la casse pas. Les stars possèdent leur perquise à la cache bras. Aucun respect pour nos rampas. Ils nous auront pas. Les bonnes résolutions, on les a pris hier. Arrêtez le vol, bédo, faire la prière. Se lever tout à temps avant que le temps nous enterre. Faut qu'on sentir. Prendre les billets sans qu'on tire, et qu'on sentir à céder. Dans l'islam, faut tout faire pour pas céder. Le shaitan qui enclenche ce procédé. Décider d'homme normal à y accéder. Combien sont prêts à trahir pour l'argent? Prêt, prêt à trahir pour un peu d'air chaud. Y'a plus de refrain, amitié marchand. Débarque shaitan, banane leur sable. Mais faut pas se faire co, j'ai que des coups de crâne. Mais eux ne sont plus à ça, mais c'est grave. Entre traves, évitant les cautions. Mais le vrai combat, c'est penser aux braves. En évitant les coups bas et en surmontant les épreuves. Quand les stars sont pas là, toute la décidence. Faudrait réussir à calmer leur manigance. Depuis des siècles, une humanité danse. Une impasse ardue qui mène à la potence. Ardue, tu sais c'est qui mène la danse. Prudence en France, ils veulent nous voir en pénitence. Déclare la guerre pour des conflits sans importance. Les évader. Les bonnes résolutions, on les a pris hier. Arrêtez le vol, bédo, faire la prière. Se lever tout à temps avant que le temps nous enterre. Faut qu'on sentir, prendre les billets sans qu'on tire. Et qu'on sentir, à céder. Dans l'islam, faut tout faire pour pas céder. Le shaitan qui enclenche ce procédé. Décider d'homme normal à y accéder. Parfois on a du mal à garder ce qu'on a pu promettre. Regarder de loin ou de près, le mal sans soumettre. On n'aime pas les gens qui empiètent. Parc sur leur terrain et d'autre part, beaucoup ont atterré. Changer de conduite, c'est piégeant, tel nos souterrains. Au lieu de se référer en pratique à un visa alléchant. Je serai pas le jukebox public, tu mets un scène, c'est alléchant. Ça vient du cœur, je serai pas la rubrique. L'intox en clair, c'est qu'on pâtit en trichant. Dans le show business, tant que nos frères succombent sans mourir. En martyr ou en légende, toi-même tu sais. Trop de décès, moi je tape pas la fuite. Avec mes potes, plutôt des fuites. 9-4 à vie, je crache pas dans la soupe. Mais sans les flics, dans un système couvert pleinement. Y'a trop d'entourloupes dans le gouvernement. Des escrocs qui volent impunément. Les bonnes résolutions, on les a pris hier. Arrêtez le vol, bédo, faire la prière. Se lever tout à temps avant que le temps nous enterre. Faut qu'on sentir, prendre les billets sans qu'on tire. Et qu'on sentir, à céder. Dans l'islam, faut tout faire pour pas céder. Le shaitan qui enclenche ce procédé. Décider d'homme normal à y accéder.